La délégation du ministère coréen de la protection du territoire national et de l'environnement, conduite par son ministre Kim Kyung-jun, a quitté Pyongyang par avion le 19 pour participer à la deuxième réunion de l'Assemblée générale du programme des Nations unies pour l'environnement prévue à Nairobi, Kenya.